Monsieur, agréez que je vienne vous rendre visite et vous offrir mes petits services pour toutes les saignées et les purgations dont vous aurez besoin. Monsieur, je vous suis fort obligé. Par ma foi, voilà Toinette elle-même. Monsieur, je vous prie de m'excuser. J'ai oublié de donner une commission à mon valette. Je reviens tout à l'heure. Mais ne diriez-vous pas que c'est effectivement Toinette? Il est vrai que la ressemblance est tout à fait grande. Mais ce n'est pas la première fois qu'on a vu de ces sortes de choses. Et les histoires ne sont pleines que de ces jeux de la nature. Pour moi, j'en suis